On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des écoliers joyeux, de petits hommes gais, respirant l'atmosphère à plein poumon, aimé, libre, content. Que faire, sinon de torturer quelque être malheureux? Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal !» Et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal.